Sainte Bible selon saint Jérôme, livre d'Isaïe, chapitre 38. En ces jours-là, Ézéchias fut malade jusqu'à la mort. Et entra auprès de lui Isaïe, le prophète, fils d'Amos, et lui dit, « Voici ce que dit le Seigneur. Mets ordre à ta maison, parce que tu mourras, toi, et tu ne vivras pas. » Et Ézéchias tourna sa face vers la muraille et pria le Seigneur. Et il dit, « Je vous conjure, Seigneur, souvenez-vous, je vous prie, comment j'ai marché devant vous dans la vérité et avec un cœur parfait, et comment j'ai fait ce qui est bon à vos yeux. » Et Ézéchias pleura d'un grand pleur. Et la parole du Seigneur fut adressée à Isaïe, disant, « Va et dis à Ézéchias, voici ce que dit le Seigneur, Dieu de David, votre père. J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Et voici que j'ajouterai à tes jours 15 années, et je t'arracherai à la main du roi des Assyriens, toi et cette cité, et je la protégerai. Or voici le signe que tu auras du Seigneur, que le Seigneur accomplira cette parole qu'il a dite. Voici que moi je ferai que l'ombre des lignes par lesquelles elle était descendue sur l'horloge d'Akaz au soleil retournera en arrière de 10 lignes. Et le soleil retourna de 10 lignes, par les degrés par lesquels il était descendu. » Écrit d'Ézéchias, roi de Juda, lorsqu'il eut été malade et qu'il eut été rétabli de sa maladie. Moi j'ai dit, au milieu de mes jours, j'irai aux portes de l'enfer. J'ai cherché le reste de mes années. J'ai dit, je ne verrai pas le Seigneur Dieu dans la terre des vivants. Je n'apercevrai plus d'hommes et d'habitants du repos. Ma génération m'a été enlevée, plié comme un tabernacle de pasteur. Ma vie a été coupée comme par un tisserand. Lorsque j'ourdissais encore, il m'a tranché. D'un matin à un soir, vous m'achèverez. J'espérais jusqu'au matin, mais comme un lion, ainsi il a brisé tous mes os. D'un matin à un soir, vous m'achèverez. Comme le petit d'une hirondelle, ainsi je crierai. Je méditerai comme la colombe. Mes yeux se sont lassés regardant en haut. Seigneur, je souffre violence, répondez pour moi. Que dirai-je, ou que me répondra-t-il, puisque lui-même fait cela? Je repasserai devant vous toutes mes années dans l'amertume de mon âme. Seigneur, si c'est ainsi que l'on vit, et si c'est dans de telles choses qu'est la vie de mon esprit, vous me châtirez et vous me rendrez la vie. Voici qu'avec la paix se trouve mon amertume la plus amère. Or c'est vous qui avez délivré mon âme, afin qu'elle ne périt pas. Vous avez jeté derrière vous tous mes péchés. Parce que l'enfer ne vous glorifiera pas, ni la mort ne vous louera. Ceux qui descendent dans la fosse n'attendront pas votre vérité. Le vivant, c'est lui qui vous glorifiera. Comme moi-même aujourd'hui, le Père fera connaître à ses fils votre vérité. Seigneur, sauvez-moi. Et nous chanterons nos psaumes tous les jours de notre vie dans la maison du Seigneur. » Et Isaïe ordonna que l'on prît une pannerée de figues et qu'on en mit un cataplasme sur la blessure du roi afin qu'il fût guéri. Et Ézéchias dit, « Quel sera le signe que je monterai à la maison du Seigneur ?» Instrument de la Sainte Bible selon la Vulgate, dans la traduction de l'abbé Glaire, pour le site jesusmarie.com, afin d'en assurer une diffusion gratuite. Fichier placé sous licence Creative Commons le 30 novembre 2010. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.